Alexa. Thank you. Quel continent? Quel sexe? D'où tu te places? D'où tu regardes? Notre belle planète bleue, où est-elle? Où suis-je? Où vais-je? Bleu comme une orange. Bleu. Remember, made the time. Say to us, turn up is blue. There's nothing I can do. I think there's a lot we can do. There's a lot we can do. Search Gainsbourg. Remember, the creator. Classics. Standard to create, to force the present door. Thank you, guys. Le quartier est agité. Ma cité va craquer. Est-ce que Kalachnikov? Même dans la matinée, Toulouse, mafia gangrénée. Sud 31, annihilé, peut-être, on pensait qu'avec nos amis du quartier on pourrait discuter, mais la mafia s'en est mêlée. Maintenant, Kalachnikov. Une balle perdue, c'est plus pour juste le perdu. Non, une balle perdue. Même toi qui vas travailler, ça peut t'arriver. Eh ouais, le quartier est agité. Ma cité. Dans le sud 31, importé mafia, espagnol italien. Peu importe, l'État se désengage. Un petit lieutenant de la mafia, il a 20 ans. Lieutenant de la police, flingue, gilet pare-balles, pas de bac, mais fait partie de la BAC. Sans bac, pas de problème pour faire partie de la BAC. Petit lieutenant dans le quartier qui est agité. Coincé entre la cité et le centre-ville, les petits lieutenants, mafia, police. Différents recrutements, Res Publica. Viens. Thank you. morale, culturelle, manipulée, annihilée, quartier est agité, cité à craquer. À l'abri, famille. Si je peux, sauf qui peut. Après le confinement, sauf qui peut. Je vois les étoiles. J'essaye de les distinguer parmi les satellites. Encore des satellites. À travers les débrouillards, je vois. À travers les débrouillards. Derrière la mascarade, je vois. La fin de cette civilisation n'est pas la fin du monde. La fin. Je vois. Devant l'évidence. Je sais. Ce que je sens, ce que je ressens, devant l'évidence, je dois avoir le courage. Brouillard. des sœurs, des frères. Parce que l'autre loi de la jungle, c'est l'entraide, pas la lutte, non, c'est l'entraide. Être plusieurs, pas être plus fort. Dépasser les murs, les frontières. Dépasser les égaux, l'individualisme, le consumérisme idiot, partager, faire de la musique, penser, chanter. We'll be right back. Thank you. just walk on the border. What I need to learn, she is days. What I need to learn, she is nights. What I need is lost in the light. As long as I'm not satisfied, I try. Simple, what I need is incredible. What I need is so much trouble. Where are you? Sister, sister, won't you appear? My love, give you all my soul, yeah. What I need is never found. What I need is never told. What I need is ever was dear. What I need is over. Even when I sleep, I just walk on the border. Give you all my love, give you all my soul, yeah.